même. Pas des fois, sans des jazz qu'à former, sans musique, sans mélodie pour chanter. Si haïtien pas de yon pe bien campé, ça fait musique ça, te kay voisin t'attende. Nous chargez force qui par indépendance, yon même encore qu'à mettre nos souffrances, d'être ensemble seulement pour nous mettre. Yes, I possède. On s'en a va monter. N'a monter bi wop. On est respect pour tout jazz cap marché. Pour tout jazz cap marché. Pas ici pour nous vin déranger. Mais nous connaissons mon cap panique. Quitte qu'on pas marché. Tendez. Et sa gabella. Où est-ce que tu essa é o pé. Jusqu'à 5h du matin. Dis mesdames, yo pour danser. Jusqu'à 5h du matin. fanatique à bambilé. Jusqu'à 5 heures du matin. Wal teke lao. Down, down, down, teke lao. Nous wal teke lao. Down, down, down, teke lao. Patrick Rémy a péfété. Jusqu'à 5 heures du matin. Fredo Mix a bambilé. Jusqu'à 5 heures du matin. Oui, oui. Yo en virété. Jusqu'à 5 heures du matin. Oh, oh, Alphonse a bébiafé. Jusqu'à 5 heures du matin. Alexis! Mais compa! Maslare! Où est Jean-Bel? Nan caravane, nan? Pas obligé. Où est Gabelle là? M'bord devant, m'a double quand même.